بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يعني avant de commencer, je voudrais faire une correction suite à une mauvaise traduction que j'ai faite lors du dernier cours, qui est le hadith Ashir. C'était quand? Lorsque j'avais traduit le hadith, que je le retrouve. أي جسم أو جسم نبت من سورة النار أولى به. أي جسم نبت من سورة النار أولى به. J'avais traduit comme quoi que toute chose qui aurait été bâtie sur de l'illicite ou quoi, le feu serait en plus en droit de consommer, c'est-à-dire que c'était une chose qui était vaine. Donc en fait, j'étais induit en erreur dans cette traduction du fait que le hadith, le vrai love du hadith n'est pas comme ça. En fait, c'est le hadith, c'est Ya Ka'b ibn Ujra, innahu la yadkhulu al-jannata lahm nabata min suht an-nar awla bihi. Donc le hadith est, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit au Ka'b ibn Ujra, certes ne rentrera jamais au paradis, ou ne rentrera pas au paradis, une chair, et non pas jism, hein, une chair qui s'est développée sur de l'illicite. C'est-à-dire une chair d'une personne qui aura manger de l'illicite. Et un nar aoula bihi, c'est-à-dire le nar, sera plus en droit de le consommer. C'est-à-dire cette personne-là, hein, yani, mérite le feu. Mérite le feu. Celui qui se nourrit de choses illicites mérite le feu. Voilà le vrai sens du hadith. Donc, Inch'Allah, faites attention pour l'ancien ders, ne pas prendre en compte l'autre traduction, c'est celle-ci qui est la plus correcte. Bismillah. Naam. فالآن سندخل في الحديث الحادي عشر. On va rentrer dans le 11e hadith. طيب. Qui est le hadith rapporté par Al-Hassan ibn Ali. Donc on va commencer d'abord par le vrai love du hadith qui est connu, qui est cité dans les Moutoun, rapporté par Tirmidhi et Wal-Nasa'i. Qui est عن الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحانته أو رحانته رضي عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم داع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. Donc qui est الحسن, qui est le petit-fils du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et ainsi que son comment on dirait cela, Rihanatu, en fait c'est une fleur qui dégage une bonne odeur, agréable à respirer. Naam. Qu'il ait dit, j'ai mémorisé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce pourquoi tu doutes pour ce dont tu es sûr. On dira comme ça, rapporté par Nasa'i wa Tirmidhi. Naam. Mais le Shir, lui, a rapporté une autre version un peu plus longue. Je vais la lire avec l'isnad, comme on fait d'habitude. Il dit قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا شعبة عن يزيد ابن أبي مريم عن أبي حوراء السعدي قال قلت للحسن ابن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق Tuma'nina wa inna al-kadhiba riba. Donc là le hadith qui est que le Hassan ibn Ali a été interrogé, où il a été dit, qu'as-tu mémorisé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, j'ai mémorisé de lui, délaisse ce pourquoi tu doutes pour ce dont tu es sûr, et sache que la véracité, hein, la véracité apaise, on va dire, apaise les cœurs, hein, est une assurance, et le mensonge est considéré comme du doute, une chose obscure. Donc là il y a rajouté fa'ina sidq tuma'nina wa inal kadhib riba, et cette version là vous pouvez la trouver également dans Riyad al-Salihin. Naam. Donc le shir dit habibullah ta'ala quluhu al-hasan radiyallahu anhu huwa abu muhammad sibt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ولحانته والسبت هو ولد الولد الحسن هو ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها. Donc il dit le Hassan, sa kunya c'est Abu Muhammad. C'est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là le mot sibt, hein, le mot sibt comme dit Shir, c'est le petit-fils, l'enfant de l'enfant. Mais Shir Fawzan, lui, hafizallahu ta'ala, il dit que, pour être plus précis, sibt c'est le fils de la fille et hafid c'est le fils du fils. D'accord? Donc si vous entendez hafid et sibt, c'est à peu près le même sens, sauf que Sibt, c'est plus le petit-fils du côté de la fille, et Hafid, c'est le petit-fils du côté du fils. Donc, Hassan, c'est le fils de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha. Kouluhu, wa lihanatu. Fabata hadha min hadith Abdillah ibn Omar, anna ba'd al-Iraq, sa'aluhu, an dam al-Dhubab, hal huwa najas. إذا قتله المحرم هل علي شيء فقال عجبا لكم يا أهل العراق تسألون عن دم الذباب وقد قتلتم الحسن وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا ريحانتايا من الدنيا. Donc il dit par rapport au mot ريحانته qu'on a dit une fleur qui dégage une bonne odeur. Cela a été affirmé par le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, que certaines personnes de l'Irak l'ont interrogé à propos du sang de la mouche. Est-ce que celui-ci est une impureté, une najas? Pour celui qui le tue, est-ce que le muhrim, celui qui est en état de sacralisation, tue une mouche? Est-ce que son sang, hein, lui cause quelque chose, quelques dommages? Donc, Ibn Omar, radiallahu anhu, a répondu, comme votre affaire est surprenante, ô vous gens de l'Irak. Vous interrogez à propos du sang d'une mouche alors que vous avez tué Al-Hassan. Hein? Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Al-Hassan et Al-Hussein sont mes deux fleurs odorantes en cette dunya. قال أبو هريرة رضي الله عنه خرجت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى بيت فاطمة فقال أين اللكع؟ أين اللكع؟ يريد بي الصغير. قال فتأخر قليلا كأنها تغسله أو تلبسه. ثم خرج فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني يحبه فأحبه وأحب من يحبه وأحب من يحبه. Donc Abu Huraira rapporte une fois il sortit en compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم. Sans lui adresser la parole. Et que le prophète également ne lui adressa pas la parole. Jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la maison de Fatima. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, où est le petit? En faisant allusion à Al-Hassan. Il a dit Lukar, ça veut dire petit. Il a d'autres sens, mais là le sens voulu, c'est petit, l'enfant. Alors il mit du temps à sortir, sûrement du fait que Fatima devait le laver ou l'habiller. Ensuite il sortit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrassa. Et il dit, oh Allah! Certes, je l'aime, alors aime-le et aime ceux qui l'aimeront, c'est-à-dire Al-Hassan. Wa sabata hadha an jama'atin min as-sahabati anhu fi haqq Al-Hassan wa fi haqqihima jami'an. Wa Al-Hassan ibn Ali fada'iluhu aktharu min fada'il Al-Hussein radiyallahu anhuma. Inna an-nabiyya laqala in ibni hadha sayyidun. Ibn ibni hadha, il écrit le Nabi dans le livre, mais c'est une erreur. Là, c'est ibni. Ibn ibni hadha, sayyidun, wa yuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn azimatayn min muslimin. Min hadith Abi Bakrata, fi sahih al-Bukhari. Falamma sami'a al-Hassan hadha al-hadith min Abi Bakra, radiyallahu anhu, kaffa wa tanazzala li Muawiyata radiyallahu anhuma. Wa haqiqata anna Allah haqana bihi dima al-muslimin. Al-Hassan ou Al-Hussein, Sayyida Shabab Al-Jannah. Donc il dit qu'également il était rapporté cela par un groupe de Sahaba par rapport au droit de Al-Hassan. Hein? Et également sur les deux, Al-Hassan ou Al-Hussein. Tous les deux également. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait des doigts pour eux. Et Al-Hassan, ses mérites sont plus nombreux que ceux de Al-Hussein. radiallahu anhu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, mon fils que voici, car l'ibn, hein, le petit-fils peut être aussi appelé ibn. Ce qui prouve que le grand-père, bimanzilat il-ab, ce qui prouve que le grand-père est du même statut que le père également. Il peut être wali, il est mahram, et ainsi de suite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, mon fils que voici, hein, sera un maître, un meneur. Hein. Et Allah conciliera par sa cause entre deux grands groupes des musulmines. Hein, deux grandes factions des musulmines. Comme cela a été rapporté du hadith de Abu Bakr dans Sahih al-Bukhari. Et lorsque le Hassan a entendu ce hadith de Abu Bakr, radiallahu anhu, il cessa alors et délaissa son commandement pour Muawiyah, radiallahu anhu. Car vous savez qu'il y a eu des troubles qui se sont produits entre les compagnons, entre Muawiyah et Ali, radiallahu anhu. D'accord? Et après que Ali fut tué par les Khawarij, normalement, son commandement devait revenir à Al-Hassan. Et lorsque celui-ci entendit ce hadith de Abu Bakr, pour justement éviter tout conflit et que le sang des musulmans ne soit versé, hein, il délaissa le commandement et le laissa à Muawiyah, afin que les conflits cessent et prennent fin. Et de là vient le hadith, justement, qu'il était une cause de conciliation entre deux groupes de musulmans. Naam. Donc, par sa cause, Allah préserva le sang des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a dit que le Hassan et le Hussein sont les chefs, on va dire, les meneurs des jeunes parmi les gens du paradis. Hein? Ils sont les jeunes, les meneurs parmi les gens du paradis. Naam. Donc, maintenant, pour revenir au hadith, il dit Qawluhu da ma yaribuk ilayma la yaribuk. Donc, délaisse ce qui te fait douter pour ce dont quoi tu es sûr. Pour ce dont tu es sûr. Donc, le shirdi, Allah Ta'ala, hey, utruk ma tashukku fihi, il est ma la tashukku fihi. Utruk ma tartaba fihi. Ou in al-haqq al-wadih ma fihi raib. Kama kala ibnu al-zub'ara. Je ne sais pas comment on dit vraiment, il n'y a pas de haraka comme c'est un nom. Zub'ara. Laysa fil haqqi ya umamata raibu. Innama raibu fima yakulu al-jahulu. Donc il dit, laisse ce qui te fait douter pour ce dont tu es sûr. Hein? C'est-à-dire, délaisse les choses qui te laissent perplexe, car la vérité est claire et elle n'a aucun doute. Comme l'a dit le poète Ibn Zab'ara, dans le sens de ses versets de poésie, ou de ses vers de poésie plutôt, il n'y a aucun doute dans la vérité, ô Umayma. Cependant, le doute est dans la parole de l'ignorant. Ces paroles, quand il dit, « Laysa fil haqqi ya umaymatu raybu, innama raybu mima yakulul jahulu. » Tel est le vers de poésie qu'il dit, qu'il n'y a pas de doute dans la vérité, ô Umayma, cependant le doute est dans ce que prononce l'ignorant. « Wal maqsoudu bi rayb huna ash-shakk, wal halal wadih, ma fi rayb, innama raybu wa adamatu ma'nina, wal qalaq, wal tashakkuk, fi ma lam yakun bayyinan. » في حله تتركه من باب الورع وريبه قد يأتي لعدة معاني ولكن المقصود به في الحديث الشك. Donc il dit le but ici visé par le raib, le doute, hein, c'est le doute, les choses ambiguës. Alors que le halal est clair, il n'a aucun doute à son sujet. Cependant, mais juste le doute. C'est une chose qui fait que ton cœur ne s'apaise pas. Tu n'es pas apaisé, tu n'es pas rassuré. Tu es inquiet, perplexe et tu doutes. Dans une chose, par exemple, est-ce qu'elle est licite ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Tu doutes. Donc comment agir? À ce moment-là, tu délaisses. Et cela ressemble fortement au hadith que nous avons pris de Norman de Bachir. Hein? « Innal halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. » Jusqu'à ce qu'ils disent Donc nous avons pris le hadith que le licite est clair et que le licite, le haram est clair, le halal est clair, et entre les deux des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc celui qui délaisse les choubouhat, les choses ambiguës, c'est se préserver dans sa religion et son honneur. Donc là, le sens est similaire. Le sens est similaire avec ce hadith. Que si tu doutes d'une chose, tu ne sais pas si elle est halal ou haram, ou ainsi de suite, tu ne connais pas le jugement qui s'en rapporte, alors délaisse la chose. Cela fait partie du wara. Hein? Cela fait partie du wara. Nous avons dit que le wara, c'est délaisser une chose par peur que celle-ci nous nuise dans l'au-delà. Une chose sur laquelle tu doutes, tu la délaisses, hein? Tu te préserves par peur que celle-ci te nuise dans l'au-delà. Ensuite, le shirk poursuit en disant. Dar ma yaribuk. Ey, ma tashukufi. Nazir hada hadith et normal du Bashir, allez-y taqaddam. Wa ma kana fil bab min al bu'd 'an al shubuhat. Donc là, le shir vient de dire ce que je viens de vous dire à l'instant, que tu délaisses ce dont pourquoi tu doutes, comme cela ressemble à la parole citée dans le hadith de Norman ibn Bashir. Et de l'Abdou Rajab, lui, dans son charh, dans ce hadith, il cite ce hadith comme étant justement une opportunité de sortir la personne des divergences qu'il pourrait trouver entre les savants dans des sujets. Par exemple, ils voient un savant qui dit cela est licite. Un autre dit cela est illicite. Ainsi de suite. Il y a une divergence. Donc lui ne sait pas comment choisir entre les deux. Les preuves lui sont. Il n'arrive pas à distinguer entre les preuves. Hein, vraiment, la chose, le sujet lui est difficile. Donc comment il lui fait pour sortir du cercle de la divergence? Il n'a plus que ce hadith et il délaisse la chose pour laquelle il doute pour une chose pour laquelle il est sûr. En même temps, il sort du khilaf, alhamdoulilah, jusqu'à ce que Allah lui donne les moyens de pouvoir discerner entre le vrai et le faux. Donc après, le shir lui poursuit en disant Qawluhu fayna sitq tuma'nina. Certes, la véracité, hein, est une chose apaisante. C'est-à-dire une chose qui est véridique, le cœur s'y apaise, s'en rassure. As-sadiq fi 'aqidatihi mutma'innun wa qad 'arafta kalam al-'aqlaniyyin al-mutakallimin al-mutafassifin kanu fi irtibak fi 'aqidat shukuk 'ala ghayr kitab wa sunnah. Donc il dit que celui qui est véridique dans sa 'aqida, dans son dogme, dans sa croyance, lui il est apaisé, il est rassuré, hein? Et tu as déjà su que les aqlaniyin, c'est des gens qui font passer la raison devant les textes. Hein? Ils font prédominer leur raison sur leur texte, comme les Mu'tazila ou autres. Et eux, ils voient un texte, un hadith, par exemple, à l'exemple, le hadith de la mouche rapporté par Abu Huraira, il disait Waqa'a al-Zubab sharab ahadikum falyumishu, hein, fa inna fi ahad janahay ad-da'u fi al-akhar shifa. Qu'il dit, en titre d'exemple, celui de la mouche, le hadith de la mouche est connu, rapporté par le Bukhari, par Abu Huraira, que si une mouche tombe dans la boisson de l'un d'entre vous, alors qu'il la plonge avant de la retirer, car dans l'une de ses ailes, il y a un poison ou une maladie, et dans l'autre se trouve le remède. D'accord? C'est-à-dire que si tu vois une mouche, attention, plonge-la avant, si tu veux boire de cette boisson. Déjà, ça prouve que la mouche n'est pas un najas. Tu peux boire après. Cependant, attention, là, il y a une chose qui te démontre que la mouche, elle a un poison dans l'une de ses ailes, et l'autre, hein, l'autre aile contient le remède. Donc des gens, parmi les médecins ou autres, on parle des gens des musulmans là, hein, des gens de l'islam, eux n'acceptent pas ce hadith car ils disent que l'oraison refuse que la mouche ait un poison dans son aile. Ils disent, on n'a pas trouvé ça, nous. On a fait des recherches, on a fait des expériences, on n'a pas vu que la mouche avait un poison dans l'aile. Donc à cause de cela, ils font passer leur aql, leur raison, sur l'épreuve. Et également les mutakallimin. Les mutakallimin et les mutafalsifa, c'est les gens de la philosophie. Hein, les gens de la philosophie qui font passer l'éloquence et la science de la parole avant les textes. Ils aiment trouver les sagesses, hein, sortir des déductions de leur tête. Eux également, quand tu leur donnes un texte clair, ils le refusent et font passer leur raison. Hein, et la sagesse qu'eux, ils voient comme étant une sagesse, ils la font prédominer sur les textes. Donc ces gens-là, Shir dit qu'ils étaient dans le doute, dans leur croyance. Pourquoi? Car ils ont délaissé les textes authentiques pour faire passer leur raison. Donc ils sont amenés à quoi? À des contradictions, à des doutes, des perplexités, des choses obscures. Pourquoi? Car ils n'ont pas suivi le kitab et la sunna. Alors que celui qui, lui, suit le kitab et la sunna, il est rassuré, apaisé. D'accord? Car il fait confiance en Allah et en son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shir dit, poursuivant en disant, De toute leur vie, ces gens-là n'ont fait que rassembler les paroles des gens, à droite à gauche, sans aucune utilité, et ont fini par douter dans leur religion. Ils ont fini par douter dans leur religion et à tomber dans le faux. Naam. Thumma yaqul, ikraha fil isbat ar-Rahmanu ala al-'arsh istawa. Wa fi an-nafi laysa kamithlihi shay. عقيدة صافية من كتاب الله ومن سنة رسوله وميسرة أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Donc là, je crois aussi également là qu'il y a un trou dans le livre. Parce que la phrase que le shir dit là, il y a un sens, il n'est pas clair. Donc il dit, là je vous traduis comme c'est venu dans le livre, hein, je suis désolé, ça va pas être un peu incohérent, mais là en arabe c'est comme ça. On dirait qu'il y a un mot qui manque dans la phrase. Donc il dit, li dans l'affirmation, ce que Allah affirme à ce sujet, dans le sens où il dit Ar-Rahman Ar-Rashistawa, dans le sens le Rahman, voyez, instauré sur le trône, hein, au-dessus du trône. Et dans la négation, il dit Laysa kamithli shay, dans le sens il n'y a rien qui lui est semblable. Donc là, il te dit quoi? Que de ce qu'on pourrait comprendre, que celui qui a une bonne croyance, il affirme ce que Allah affirme, Al-Istiwa al-Arsh. Et également, il renie ce que Allah a renié de lui-même. Laysa kamithli shay, il n'y a rien qui lui semblable. Quand tu as les deux versets, tu es rassuré du fait que même si Allah s'affirme des attributs, tu les prends comme ils viennent. Et du fait qu'il a dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble, tu ne ressemblais en rien à ces créatures. Et de là, tu es rassuré, hein, tu es apaisé. Contrairement aux gens qui veulent faire passer leur raison sur les textes. Et il dit que la sunna, hein, et le Coran ont été facilités pour les gens. Simplifié pour les gens, pour la compréhension. Hein, dans le sens, il dit, nous avons certes simplifié le Coran pour le rappel, alors il y a ce que des gens qui se rappellent, dans le sens. Des gens qui réfléchissent. Fatara sahib al-aqidat al-sahiha yasdar lil-haq min kitabillah wa min sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa man khalafa dhalika fa huwa ala batil. Donc il dit, tu vois, celui qui a une bonne aqidah, hein, il prononce la vérité tirée du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et que celui qui s'oppose à cela, il sert sur le faux. Celui qui s'oppose à la vraie aqidah tirée du livre de la sunna, il sert sur le faux. Et sidku fil mu'taqad wa fil qawl tuma'nina. Iza kana sadikan fi kalamihi ma yubali mimman yukhalifu ou biman khalafa. Hatta walau kana fil da'awi wal mushajarat bayna an-nas. وهو صادق يكون لا طمأنينة والكاذب تارة يكذب وتارة يتملص وتارة يراوغ ما عنده طمأنينة في القلق والصدق في خير في الدنيا والآخرة. Donc il dit, celui qui est sincère dans sa croyance, hein, parlera en étant apaisé. Et dans ce qu'il dira, il n'aura que faire de ceux qui s'opposeront à lui. Il ne se dira pas, est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il ne lui fait pas attention, car il sait qu'il a raison, son cœur est apaisé. Même s'il était dans quoi? Dans des conflits avec les gens, et ainsi de suite, à partir du moment où il est véridique, il est rassuré, hein, il est apaisé. Alors que le menteur, tu le vois lui chercher différentes issues. Tantôt, il va mentir. Tantôt, il va tenter de se dérober. Hein, et tantôt, il va tenter de feinter. Pourquoi? Car lui, il va être en conflit avec les gens, et comme il n'est pas sincère, il va se trouver en situation, il va être contradictoire, il va se contredire. Donc il sera obligé soit de mentir, soit de fuir le débat, ou soit de feinter en trouvant une façon de se sortir de l'embarras. Il n'est pas rassuré, il n'est pas apaisé, tu le vois, il ne se tient pas bien. Il est complètement inquiet. Donc la véracité contient du bien en ce bas monde et pour l'au-delà. Qala ta'ala, وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُ. Et s'ils avaient été véridiques envers Allah, cela aurait été meilleur pour eux. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. Dans le sens, et voici un jour qui sera bénéfique, ou dont le véridique tirera profit de sa véracité. Là, c'est Yom al-Qiyamah. Hein? Yom al-Qiyamah, le véridique tirera profit de sa véracité. هَكَذَا وَأَيْضًا أَنْ تَصْدُقَ اللَّهَ يَصْدُقُكَ. Donc il dit, si tu es véridique avec Allah, Allah le sera avec toi. Et Allah, c'est un morceau de hadith où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa innal kadhib yahdi lil fujur » et que certes le mensonge, lui, guide vers vers le dévergondage, vers la dépravation. Celui qui ment sera amené, celui qui ment sans s'arrêter finira par tomber dans les choses immorales, l'immoralité. طيب من الفجور من أقبح القبائح الكذب نسأل الله السلامة والكذاب يشرشر شدكه وشدكه يوم القيامة إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وأنفه إلى قفاه ويقال هذا الذي يكذب الكذبة تبلو الآفاق. Donc il dit le menteur tombera dans les plus grandes immoralités, les plus vilaines, et que le mensonge est parmi les plus mauvaises choses. Le mensonge est parmi les plus mauvaises choses. Et nous demandons à Allah la sérénité et la préservation. Et le menteur, il se fera déchirer le coin de la bouche le jour du jugement. C'est-à-dire les coins de sa bouche seront tirés pour être liés jusqu'à sa nuque, ainsi que ses narines et son nez. Comme cela est venu dans le hadith de l'Isra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux, et il a vu le châtiment du fornicateur, le châtiment de celui qui ne fait pas la salade du Isha, et ainsi de suite. Et parmi les châtiments qu'il a vu, celui du menteur, hein, celui du menteur, dans lequel il a vu que le menteur se faisait tirer par des crochets, que les coins de sa bouche étaient tirés par des crochets et déchirés jusqu'à sa nuque, ainsi que son nez et ses narines. Wallahu a'lam. Tel est le sort qui attend le menteur. Et quel menteur? Celui dont le mensonge aura fait le tour du monde. Hein, celui dont le mensonge aura atteint les horizons, comme on dit. Donc voyez là le danger de ceux qui écrivent sur internet ou qui font des audios, des conférences et qui écrivent des livres et qui mentent impunément. Ceux-là, il y a la menace qu'ils encourent, Yom al-Qiyamah, pour leur mensonge. Naam. وهذا حديث عام كما ترى وهو من الأحاديث التي اختارها النووي وجمع 40 حديثا في كل باب كما ذكر هذا في شرحه على صحيح المسلم عند حديث الحلال البين ونحو ذلك قال وقد اخترت 40 حديثا جامعا من كل باب. Donc il dit que ce hadith est un hadith général, global, hein, parmi les hadiths que al-Nawawi a choisi. Et il a regroupé 40 hadiths dans chaque sujet de la religion, dans les sujets importants de la religion. Et celui-là, ça en est un. Comme lui-même, al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, l'a stipulé dans son explication de Sahih al-Muslim, dans le hadith al-Halal Bayyin, dans le hadith de Norman ibn Bashir, il dit « J'ai certes choisi 40 hadiths, hein, d'ensemble en chaque domaine. Dans chaque domaine, j'ai choisi, par exemple, dans chaque domaine, un hadith là. » un hadith là, à tel point que j'en ai regroupé 40. Hein? Un dans la akida, un dans le comportement, un dans le licite et l'illicite, et ainsi de suite. Ikhtara min jawami al-kalam. Fahunaka man allafa 40 min as-sifat, mathalan. Wahada allafa 40 fil fada'il. Wahada allafa 40 fi tarajim mashaykhihi. Iddat 40at, kama zakara haji khalifa, fouk 80 mu'allafan. وأتى النووي وأخذ من كل باب حديثا جامعا في العقيدة وفي غيرها. Donc il dit qu'il a choisi parmi les paroles globales qui englobent beaucoup de sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam 40 hadiths. Et également, autre que lui, qu'El Nawawi, plusieurs genres de sciences ont également eux-mêmes choisi 40 hadiths. Ils ont écrit des ouvrages dans lesquels ils ont choisi 40 hadiths dans plusieurs domaines, ou plutôt dans des domaines spécifiques. Par exemple, certains ont pris 40 hadiths dans le domaine des attributs d'Allah. Hein? Et d'autres ont regroupé 40 hadiths dans les actes de mérite, et ainsi de suite. Et d'autres ont, par exemple, regroupé 40, on va pas dire hadiths, mais plutôt paroles, dans les biographies de leurs mashayikh, de leurs professeurs, ainsi de suite. Donc plusieurs livres arba'in ont été écrits, d'accord, comme l'a cité Haji Khalifa. Plus de 80 ouvrages intitulés Arba'in, 40, cependant, chacun dans leur domaine. Alors que le Nawawi, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé 40 ahadiths dans chaque domaine. Un hadith dans ce domaine-là. Un hadith dans ce domaine-là, il en a regroupé 40, ce qui a fait quoi? Ce matn que nous étudions actuellement, qui est Arba'in Nawawi. Donc le chien reprend en disant Esidq Tuma'nina. Kabn Malik Kale Wallahi Manafa'ani Allahu Bishayin illa Bisidq. Donc il dit que la véracité est une assurance, un apaisement. Et que Kab ibn Malik, radiallahu anhu, dont vous connaissez bien le fameux hadith très long de sa tauba, lorsqu'il ne se rendit pas à la bataille de Tabouk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait aucune excuse, lui ainsi que Hilal ibn Umayyah et Mirara ibn Rabi', les trois là, ceux qui sont cités en sourate Tauba, que ces trois là n'ont pas participé à la bataille de Tabouk sans excuse. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils vinrent auprès de lui et furent sincères et véridiques et reconnurent qu'ils n'avaient aucune excuse de ne pas avoir participé. Donc de là, Allah fit descendre sur eux une tauba, mais celle-ci fut expiée par quoi? Par un hajj, un boycott qui dura 50 jours et 50 nuits. Et à la fin, Allah accepta leur tauba et ils furent pardonnés. Donc là, Ka'b dit quoi? Qu'il n'y a aucune chose qui ne m'a été bénéfique lors de cette situation, si ce n'est que j'ai été véridique. C'est-à-dire que Allah lui a accepté son repentir par sa véracité auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la bab, fa'ida, ici une utilité, une chose utile, pour se rappeler de ces trois compagnons, de ces trois nobles compagnons, radiallahu anhum, qui sont Ka'b, Wahilal et Mirara, les trois lettres de leur prénom ont été regroupées dans le mot Mekka. Le Mim, le Kef et le Ha. Le Mim, c'est pour qui? Mirara. Et le Kef, c'est pour qui? Pour Ka'b. Et le Ha, c'est pour qui? C'est pour Hilal. Lorsqu'on vous dit Mekka, ça veut dire ces trois sahabis. Pour se rappeler de leur prénom dans cette histoire. Voyez. Donc le shirk suit en disant « Ma nafa'a Allahu al-sunnati ila bisidq fil murtaqad wal-aqwal wal-af'al hatta talab al-'ilm idha lam yakun sadiqan fi talabihi takun hasil al-hasila da'ila. » Donc il dit que Allah n'a pas élevé les gens de la sunna, ce n'est pourquoi? Pour la véracité qu'ils ont dans leurs croyances, dans leurs paroles et dans leurs actes. Même l'étudiant en sciences, si jamais il n'est pas sincère et véridique dans ce qu'il fait, il verra ses acquis faibles. Il n'obtiendra que de faibles acquis dans sa science. Non. Donc les gens de la Sunna sont connus pourquoi même au Yémen, les gens ils le disent, alhamdoulilah, qu'ils reconnaissent, même si ils accusent injustement les gens de la Sunna comme étant durs dans la religion, du fait que quoi? Que les gens de la Sunna appliquent la religion. Et comme les gens, les awam, ont une faiblesse dans leur foi, ils enfreignent beaucoup d'interdits. Ils font beaucoup de choses qui sont interdites. Donc les gens de la Sunna les conseillent. Ils leur disent ça c'est haram, ça c'est bid'a, et ainsi de suite. Donc ils disent, vous êtes dur. Vous êtes dur. Vous êtes droit, vous êtes véridique, on vous croit sincère, mais vous êtes dur en religion. Soyez un peu plus souple. Cependant, ils reconnaissent la véracité de ces gens-là. Que lorsqu'un salafi vient, ou un sunni vient, la base chez les gens, c'est qu'ils le croient. Que ce n'est pas un menteur. Donc le talib al-ilm, lorsqu'il lui recherche la science, s'il se voit avoir une mauvaise intention, qui n'est pas sincère, que c'est un menteur et qui se comporte mal également, eh ben il verra que ses acquis seront faibles. Et même si on dit que ses acquis, que veut dire par là des acquis faibles, du fait que sa science ne réapparaîtra pas sur lui. Sa science, car vous allez voir des gens qui ont mémorisé beaucoup de choses. Le Coran l'ont bien mémorisé, par cœur, de façon minutieuse, ils ne se trompent pas. Ils auront mémorisé plein de moutons de science, plein de livres de science, et pourtant tu le vois dans son comportement, c'est un menteur, c'est un pervers, ainsi de suite. Et bien lui, sa science sera un argument contre lui. Le Coran, hujjalaka alayk. Le Coran est un argument pour toi ou contre toi. Donc lui, même s'il aura beaucoup d'acquis en apparence dans ses paroles, ses actes le contrediront, et tu verras que sa science ne servira à rien. Il ne sera pas élevé. Il ne sera pas élevé. Belle, le contraire sera rabaissé. Et un jour ou un autre, Allah le dévoilera. Vous l'avez vu, des gens qui se disent tout la belle im, chez des grands savants d'après eux, avoir un long parcours dans la science, ils ont tout le temps des problèmes. Ils sont tout le temps dans les problèmes. Tout le temps critiqués par tout le monde, pas aimés par les gens, ainsi de suite, et de façon réelle. Pourquoi? Car dans leur recherche de la science, ils ne sont pas véridiques. Ils ont sûrement dans leur cœur une chose qui s'est insurgée, une mauvaise intention qui font que Allah fait que les gens ne les aiment pas. Tout le temps dans les problèmes, dans les fitanes. Voilà, azabillah. Voyez. Ensuite, le shirk poussé en disant Nabiullahi Yusha Raza ma'ahu unasun Faqal La yanbaghi li ahadin malaka bid' mra'atin wa hiya turidu an yabni wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha wa la rajul bana buyutan wa lamma yarfa sukufaha wa la rajulun ishtara ghanaman aw khalafa aw khalafatin je crois qu'il a donc c'est khalifat وينتظر أولادها. معناه أن هذا يفكر في أغنامه، وهذا يفكر في بناء بيته، وهذا يفكر في زوجته الجديدة يريد أن يرجع إليها، يريد أناسا صادقين. فدل هذا على أن الطالب إذا لم يكن صادقا في اجتهاده فلم يتحصل إلا على اليسير، طالب أو غير طالب. En citant l'histoire de Yusha, celui qui est traduit, dont le nom ils disent Josué chez les chrétiens, ils l'appellent Josué, qui était le mawla de Moussa alayhi salam. Dans la fameuse histoire de Sourate al-Kahf, lorsque Moussa alayhi salam partait vers Al-Khadir, il y avait un jeune garçon avec lui, dans l'histoire du poisson. Et c'est Yusha. C'est Yusha, c'était un prophète également, alayhi salam. Donc Yusha est parti en conquête pour une contrée. Et il dit, ça c'est un hadith rapporté par Abu Huraira, il dit que ne me suive pas un homme qui vient de se marier, qui n'a pas encore, on va dire, consommé le mariage. Ou un homme qui serait en train de construire des maisons et qui n'a pas encore mis les toits. Ou un homme qui aurait du bétail, d'ovin et de bovin, hein, comme nous avons dit, des bêtes pleines, hein, et il attend, il y en a qu'elles mettent bas, comme on dit. Qu'elles mettent bas, c'est-à-dire qu'elles accouchent. Mais pour les animaux, on dit mettre bas, si je me rappelle bien. On ne dit pas accoucher pour un animal. Donc cet homme-là, qu'est-ce que cela veut dire? Que Yosha, alayhi salam, ne veut que des gens à l'esprit, hein, neutre, l'esprit dégagé, prêt à combattre, n'étant pas préoccupé par autre chose. Pourquoi? Parce que celui qui vient de se marier, il pense à quoi? À voir sa femme. Celui qui vient de construire des maisons, et qui n'a pas mis les toits, il pense à quoi? À finir ses maisons. Et celui qui a du bétail, hein, dont les femelles sont pleines, il pense à quoi? Que les petits vont arriver. Donc lui, il n'a pas l'esprit propre à les combattre. Donc il n'est pas... On ne va pas dire que c'est un menteur, mais on n'appelle pas ça à dire. Pourquoi? Car il n'est pas concentré sur ce quoi, pourquoi il est venu. C'est-à-dire pour le combat. Donc le shir dit pareil pour le talib al-ilm. S'il vient pour étudier et que son esprit est préoccupé par autre chose, il n'obtiendra que peu de science. Que très peu de science. Et il dit, et cela concerne le talib, l'étudiant, ou autre que l'étudiant, celui qui vient pour une chose, accomplir une chose et qui est préoccupé, il ne va pas se consacrer pleinement à cette chose-là, à cette activité. Celui qui a l'esprit préoccupé, hein, ne se consacrera pas pleinement à cette activité pour laquelle il est venu. Donc il n'est pas sadique. On ne va pas dire que c'est un menteur, mais il n'est pas véridique pleinement en ce qu'il fait. D'accord? Ensuite, le shir dit Arda'ullahi min al-Yahoud wa al-Nasara في بلاد الكفر عندهم جد في الدنيا حتى برزوا في الدنيا صنعوا الطائرات وصنعوا السيارات من أجل جدهم في الدنيا تجد الواحد منهم إذا نزل منزلا أو تحت مذلة ينتظر الباص يخرج الكمبيوتر ويشتغل جد وصدق مع الدنيا قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. Donc il dit, regarde, par exemple, les ennemis d'Allah, parmi les juifs et les chrétiens, en pays de Kufr, en pays de mécréance, ils ont du sérieux et de l'engagement en ce bas monde, à tel point qu'ils ont excellé en ce bas monde, dans le matériel. Ils ont fabriqué des avions, des voitures, plein de choses, du fait qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Et ça c'est connu, les Kufars, dans ce qu'ils font, ils sont engagés et sérieux. Donc tu le vois par exemple, l'un d'entre eux, s'il sort de chez lui, par exemple, et qu'il veut aller, le shir dit, il sort de chez lui par exemple, et qu'il attend le bus à l'arrêt du bus, qu'est-ce qu'il fait en général? On parle d'un sérieux, hein, pas d'un la'ab, pas d'un cancre. On parle des gens sérieux, chez eux, chez les koufars. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Eh bien tu vois sortir son ordinateur et travailler. Même dans le train, dans le métro, dans l'avion, où qu'il soit, tu le vois, il est sérieux, studieux dans ce qu'il fait. Hein, il est engagé, il se consacre. Il est versé dans le travail. Donc de là, le kafir, lorsqu'il s'engage dans un travail, tu le vois, il est véridique dans ce qu'il fait par rapport à son travail. Et il est minutieux, qu'on va dire professionnel. On ne dit pas ça pour les vanter, on dit ça en guise de pour être équitable dans ce qu'ils font. Et la preuve est là, on voyait tous les jours, l'Amérique, l'Europe, c'est des pays développés, comme ils l'appellent, développés au point de vue matériel, dunya, hein, point de vue matériel. Et ensuite, le shir cite en guise d'exemple, pour dire ce qu'ils font, mais cela n'est pas louable pour eux, dans le sens, Allah il dit, dans le sens, ils connaissent l'apparence de ce bas monde, mais ils sont inattentifs quant à ce qui touche à l'au-delà. Et c'est pour ça que malheureusement, plein de gens faibles en islam accourent vers eux. Ils croient que leur avancement dans le bas monde est un avantage pour eux. Mais non, cela est quoi, comme Allah le dit, ici de rage. Hein, ici de rage, c'est-à-dire quoi? Qu'Allah leur donne pour qu'ils croient qu'ils sont sur le bien alors qu'ils s'égarent encore plus pour le mal qu'ils ont en eux. Donc ne pas se faire avoir par ça, croire que les koufars, Allah, ils les aiment pour ce qu'ils font. Non. Dans le Coran, ça prend Allah, il dit quoi? Le verset, là, je ne me rappelle plus bien. Qu'il ne faut pas croire que Allah leur a donné des choses pour le bien qu'ils ont, mais plutôt pour qu'ils rajoutent du péché. Pour qu'ils s'enfoncent encore plus pour le mal qu'ils ont en eux. Du fait qu'ils refusent la vérité. Donc le shirk poursuit en disant, « As-sadiqu yatanawaluhu ahlul ahqad wa ahlul inad yatanawaluhu ahlul fasad min kul janib yatihi al-bala walakinahu mansuru la tazalu ta'ifatu min ummati dha'irin ta'ifatu al-sidq ta'ifatu al-nusr wa al-tajarrud lil-haqqi wa lil-nusr min kitabillah wa min sunnatihi min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yansuruhum Allah qala ta'ala inna Donc il dit le véridique dans sa religion, le véridique, celui-ci est visé par les gens du mépris, par les gens de l'obstination, par les gens du désordre, de tous côtés. Il est atteint, il est agressé, il est offensé, hein, et ça là est connu. Cependant, qu'il ne s'inquiète pas car il est sauvé, il est déjà secouru par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit dans le sens, dans un hadith, qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être apparent et que personne ne leur nuira, ni ceux qui s'en prennent à eux, ni ceux qui les auront offensés. Il intakum sa'a, jusqu'à ce que l'heure se lève, qu'un groupe de sa communauté seront toujours apparents sur la vérité et que personne ne pourra leur nuire, ni ceux qui s'en prendront à eux, ni ceux qui les auront abandonnés. Afa adi bushra li al-sunna, ya ikhwa. Cela est une bonne annonce pour les gens de la sunna. Donc le shir dit, c'est un groupe de véracité, de vérité, un groupe de conseil, hein, dans le sens conseil là ici, pour la communauté, ceux qui sont sincères envers les gens et les conseillent, les dirigent vers le bien et tentent de les éloigner du mal, en leur démontrant où est le mal. Et que ces gens-là, yani ta'ifat al-sidq, ceux-là, c'est des gens qui sont consacrés pleinement pour la vérité et pour le conseil, vous voyez, et également pour la nasiha. Pour le livre d'Allah et pour la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils appliquent pleinement le livre d'Allah, qu'ils sont sincères, ainsi que la sunna, ils y appellent, hein, et l'expliquent aux gens. Donc il dit que Allah les sauvera ces gens-là. Par preuve de la parole d'Allah dans le sens, certes, Allah va sauver ses messagers et les gens qui ont cru en ce bas monde. Donc ça, c'est une promesse que celui qui est sur la vérité n'ait pas peur et ne se sente pas abandonné du fait que beaucoup de gens sont contre lui. Car s'ils sont contre lui pour des choses fausses et vaines, Allah ne l'abandonnera pas et le sauvera. Et on finira, Inch'Allah, là le charh du shir vient de se finir. Et je voudrais juste citer une parole d'Ibn Rajab pour clôturer ce cours, où il dit, Yaqul Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, fi jami' al-ulum wa hikam. Wa qawluhu fi riwaya al-ukhra, inna sidq tuma'nina wa inna al-kadhib riba. يشير إلى أن لا أنه لا ينبغي الاعتماد على أقوال كل قائل كما قال في حديث وابسة وإن أفتاك الناس وافتوك وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. Donc il dit, Ibn Rajab, rappelez-vous bien, je vous ai dit quoi au début du hadith? Que le shir a mis un ajout en plus dans la version qu'il a citée. Inna al-sidq tuma'nina wa al-kadhib riba. À la base, dans le hadith qui est connu dans le matn d'Arban Nawawi, il n'y a pas cet ajout. Donc là, Ibn Rajab, lui, il parle de cet ajout, de ce supplément dans le hadith. Il dit quoi? Inna al-sidq tuma'nina wa al-kadhib riba. Que la vérité est un apaisement et le mensonge et du doute. Qu'il indique au fait qu'il ne convient pas de se baser sur la parole de toute personne. Hein? Il ne vient pas d'accepter la parole de toute personne. Comme l'a dit dans le hadith, Wasiba, qui viendra plus tard, Inch'Allah ta'ala, dans le Mat al-Nawawi, que c'est-à-dire que ton cœur, ce n'est pas rassuré de toute personne, même si les gens t'ont fait des fatwas, quoi que les gens t'aient dit, si ton cœur n'est pas rassuré, alors n'accepte pas. D'accord? Quoi que te disent les gens, et quels qu'ils soient, si ton cœur n'est pas rassuré par ce qu'ils disent, alors ne le prends pas. Et il faut juste se baser sur la parole de celui qui parle avec véracité, sincérité. Et les signes de la véracité sont que le cœur s'y apaise. Une parole véridique, le cœur s'y apaise, s'y repose. Des fois, des gens te parlent, te disent des choses et t'es pas rassuré. Tu dis, je suis pas rassuré, je ne sens pas cette parole-là. Et d'autres te disent des choses et tu sens que ton cœur, il accepte. Cela rentre tout seul. Hein? Cela accepte comme de l'eau, ça rentre tout seul. Ça, c'est un signe de quoi? De la véracité de la personne. Car Allah fait que le cœur l'accepte. Hein? Le cœur l'accepte. Alors que la chose douteuse et mensongère, il y a une base en toi, l'être humain, qui fait que ton cœur ne l'accepte pas, vraiment. T'es pas rassuré. Tu restes perplexe. Même cela peut te faire fuir. Cela peut te faire fuir. Certains propos sont dits et se diffusent, se propagent, et pourtant le cœur ne l'accepte pas. Pourquoi? Car il se peut que dans ces choses-là, il y ait des choses douteuses et mensongères. Donc de là s'achève ce ders d'aujourd'hui. Donc le khulasa du ders, le récapitulatif, c'est que il faut délaisser les choses douteuses pour les choses dont on est sûr. Et je précise également que ce hadith est une preuve de la qaïda. Une qaïda dans le fiqh qui est, parmi les qaïdas majeures, le kubra, les règles majeures dans le fiqh, qui est al-yaqinu la tazuru bishak. Hein? Al-yaqin la tazuru bishak. Que la certitude ne disparaît pas à cause du doute. C'est une règle dans le fiqh qui est prise dans notre hadith, qui est le hadith de. Je ne me rappelle plus vraiment ce moment, c'est le hadith de Abdullah ibn Zayd, hein, qu'un homme se plaignit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il trouvait en lui quelque chose lors de sa salate, dans son ventre, il a des doutes, qu'il ait eu des vents, des choses qui aient annulé son eau. Il doute, mais il n'est pas sûr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yakul, la yakhruj hatta yasma'a sawta, aw yajida riha, qu'il ne sorte pas de la salate tant qu'il n'a pas entendu un bruit ou qu'il ait senti une odeur. Qu'il montre bien qu'il a annulé son eau. Cela mène à quoi? Qu'à la base, toi, tu es en salat. Donc, tu es sûr que tu as l'eau. Que tu es sûr que tu es en état de purification. Cependant, maintenant, il se peut que tu aies un west-west, tu as l'impression que tu as sorti un vent. Toi, tu doutes. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as la salat? Ou est-ce que tu la continues? Eh bien, ce hadith-là te montre que si tu es sûr qu'à la base, que tu es en état de purification, alors n'arrête pas. Tant que tu n'es pas sûr que tu as annulé ton udhu, tes ablutions, tu restes, hein, tu fais prédominer la certitude. Tant que tu n'as pas une chose flagrante, claire, qui te montre que cela est annulé. Donc les deux hadiths vont dans le même sens. Et il n'y a plus cette règle qui est que al-yaqinu la tazulu bishak, que la certitude, hein, ne disparaît pas par le doute. Tant que tu n'as pas une chose qui t'amène à penser que ce que dont tu étais sûr est annulé, reste sur la base que tu es sûr. Non. Et pareillement, quand tu as une chose qui est halal, tu es sûr qu'elle est halal? Prends-la. Tu as une chose qui est haram, tu es sûr qu'elle est haram? Délaisse-la. Et tu as une chose, tu ne sais pas, tu doutes, alors délaisse-la aussi. Adam ibn Bab al-Wara, ça fait partie du Wara. Tu laisses parce que tu es perplexe, tu en doutes. Parmi les choses, les sagesses à tirer de ce hadith, les fawaïd, bien qu'on pourra en dire bien d'autres, mais là, on nous avons dit que c'était une explication résumée. Fanaktafi bihadha al-qadr. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.